أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Il est rapporté dans le livre d'histoire que Julaybib radiallahu ta'ala anhu était un sahabi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il était très petit de taille avec une apparence difforme. Sa lignée était inconnue. Personne ne savait qui étaient ses parents. Sans clan pour le protéger, aucune tribu n'étant prête à l'accepter, solitaire. Même les petits-enfants de Médine l'embêtaient et se moquaient de lui en raison de son handicap. Personne ne voulait s'asseoir en sa compagnie. Il survécut du mieux qu'il put et passa beaucoup de nuits seul à Médine, à se arpenter dans les rues, pleurant de désespoir alors que les larmes coulaient sur ses joues. Personne ne voulait lui offrir de l'amour ou de la compassion. Il n'avait pas de famille et pas un seul ami au monde. La vie pour lui était une lutte solitaire. Jusqu'à l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après l'arrivée du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Médine, le destin de Julaybib radiallahu anhu changea. Il allait s'asseoir en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et écouter attentivement ses discours et parler très rarement. Timide, il gardait son regard baissé. Dorénavant, à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait trouvé le meilleur des amis. Ses jours de solitude et de désespoir étaient terminés grâce à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de la création, qui faisait dorénavant de Julaybib radiallahu anhu son proche et qui l'incorpora dans la communauté des croyants. Un jour, alors qu'il était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci lui demanda: Ô Julaybib, demande quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu désires ? Il leva lentement la tête et dit d'une voix timide : Ya Rasulallah, Allah m'a béni par ta compagnie. Je m'assieds devant tes pieds bénis, et j'écoute tes paroles bénies. Que pourrais-je bien désirer de plus ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda : Souhaiterais-tu te marier, mon cher Julaybib ? Julaybib sourit timidement, se demandant qui voudrait donc l'épouser. Oui, messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, j'aimerais bien me marier, dit-il. Le prophète d'Allah, alayhi salatu wa sallam, se rendit donc à la maison d'un sahabi, un sahabi important et noble parmi les Ansar. Il lui dit: Je suis venu pour demander la main de ta fille en mariage. Le sahabi fut ravi et dit: Oh Rasulallah, existe-t-il une plus grande bénédiction que celle-ci ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara alors: Je ne la demande pas pour moi-même, mais c'est pour Julaybib que je demande. Le sahabi resta pantois. Pour Julaybib, se demanda-t-il. Oui, Julaybib, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le sahabi répondit qu'il devait consulter sa femme. Il dit alors à son épouse: Le prophète d'Allah alayhi salatu wa sallam a demandé la main de notre fille en mariage pour Julaybib. Elle commença à pleurer et à gémir. Non, non, pas Julaybib. N'importe qui d'autre, mais pas Julaybib. Je ne permettrai jamais cela. En entendant l'agitation, la fille arriva. Et on rapporte qu'elle était si belle si belle qu'aucune des femmes des Ansar ne voulait rivaliser, ne pouvait rivaliser avec elle, ne pouvait rivaliser en beauté. Elle était si timide et si modeste que peut-être que le ciel lui-même n'avait jamais vu sa tête découverte. Elle avait tellement de taqwa qu'elle passait ses jours et ses nuits en adoration. La fille demanda ce qui se passait. On lui raconta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu demander sa main pour Julaybi radiallahu anha. Alors la mère continuait de crier, de crier, de crier et de pleurer jusqu'à ce que la fille déclare: « Oh mère, crains Allah, pense à ce que tu viens de dire. Tu te détournes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Oh mère, il ne convient pas à un croyant de prendre sa propre décision une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire. Penses-tu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous apporte une disgrâce? Que Julaybib est béni à tel point qu'Allah et son messager demandent la main de ta fille en son nom? Ne sais-tu pas que les anges eux-mêmes envient la poussière présente sur les pieds de celui qui est bien-aimé d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam? Demande au prophète, demande au prophète de m'envoyer Julaybib, car il n'y a pas de plus grand privilège que d'être béni par un tel mari. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu à nous avec un tel cadeau merveilleux. Alors pourquoi pleures-tu? Alors pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu? Le cœur de la mère se remplit de remords. Elle déclara alors: ne dis plus rien ma fille. Je me suis trompé et je me repens mille fois pour cela. Il n'y a personne que je préfère pour toi que Julaybib. Le matin, le mariage eut lieu. Uthman radiallahu anhu et Ali radiallahu anhu donnèrent à Julaybib une somme d'argent afin de l'aider à organiser la fête de la Walima, le repas de mariage, et à acheter un logement où ils habiteraient. Le jour de l'expédition, peu de temps après, Julaybib radiallahu anhu tomba martyr durant une expédition. Et le jour de cette expédition, son beau-père l'avait imploré en lui disant: « Oh Julaybib, c'est juste une expédition. Ce n'est pas un djihad obligatoire. C'est un fard kifaya, une obligation de groupe. C'est un djihad volontaire. Par conséquent, comme tu es nouvellement marié, tu es un jeune marié, passe donc du temps avec ton épouse. » Julaybib radiallahu anhu, celui qui avait passé toute une vie dans le désespoir, avait maintenant trouvé une femme aimante, une femme belle. Mais quelle fit sa réponse à son beau-père? Il lui dit, oh mon père, tu dis une chose bien étrange. Mon prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, est dans le champ de bataille face aux ennemis de l'islam. Et tu souhaites que je reste à la maison avec ma femme? Je sacrifierai mon sang et mon âme plutôt que de voir mon prophète affronter les difficultés pendant que je suis assis à la maison dans le luxe. Subhanallah. C'est un spectacle bien étrange de voir le tout petit homme, Julaybib radiallahu anhu, portant une épée presque aussi grande que lui. Les sahaba le regardaient avec émerveillement. Lui, le doux et gentil Julaybib radiallahu anhu, était transformé en un lion. Qui ose faire la guerre à mon prophète? Dit-il alors qu'il chargeait les rangs de l'ennemi. Après cette bataille, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda aux sahaba d'aller voir si quelqu'un manquait dans les familles et les clans. Chacun retourna voir si les membres de sa famille étaient présents. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parla avec les larmes aux yeux et dit: j'ai perdu mon bien-aimé Julaybib. Trouvez-le. J'ai perdu mon bien-aimé Julaybib radiallahu anhu. Trouvez-le. Ils trouvèrent son petit corps couché à côté d'ennemis qu'ils avaient tués durant la bataille. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'une tombe soit creusée. Et le prophète alayhi salatu wa sallam arriva se tint devant sa dépouille et dit, il en a tué 7, puis il a été tué. Cet homme fait partie de moi, et moi je fais partie de lui. Il le prit alors dans ses bras, à lui seul, puis il fut enterré. Les compagnons pleurèrent abondamment. Que nos pères et nos mères soient sacrifiés pour toi, ô Jureybib, radiallahu ta'ala an, que ton statut est élevé. Un tel sahabi, qui autrefois avait vécu comme un paria, évité et rejeté par la société autour de lui. Il a aimé Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et a ainsi atteint un degré très élevé. Lui qui n'était pas beau, fut béni d'une belle épouse. Lui qui était pauvre fut béni par une femme riche. Lui qui n'avait ni famille ni statut fut béni par une femme ayant un statut et une lignée noble. Lui qui avait vécu dans la solitude et le désespoir fut aimé par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Lui de qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dira, cet homme fait partie de moi et moi je fais partie de lui. Il est dit que suite à son martyre, le ciel fut rempli de milliers d'anges qui étaient venus participer à sa janaza. Julaybib radiallahu an, le solitaire, était devenu un bien-aimé d'Allah et un bien-aimé de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était plus un homme seul. Tel est le statut des amoureux et des bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à sa femme, il est dit qu'il n'y avait pas de veuve à Médine dont la main était plus recherchée dans le mariage que la sienne. C'est ainsi qu'on trouve dans le hadith, d'après Abu Hurayrata radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril, et il dit, certes, j'aime un tel, donc aime-le. Alors Jibril l'aime. Puis il appelle dans les cieux, certes, Allah aime un tel, aimez-le donc, et alors les habitants des cieux l'aiment. Alors, il lui a mis l'acceptation sur terre. Et lorsqu'il déteste un serviteur, il appelle Jibril et il dit, certes, je déteste un tel, déteste-le. Alors Jibril le déteste. Puis il appelle dans le ciel, certes, Allah déteste un tel, détestez-le donc. Alors les gens des cieux le détestent. Et alors, il lui a mis la haine parmi les habitants de la terre. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, médite donc sur cette histoire. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservé sur cette terre? Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réservera dans l'au-delà? Quel amour as-tu donné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Quel sacrifice as-tu effectué pour lui? Es-tu resté tranquillement assis, assise dans ton fauteuil à regarder lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa religion étaient offensés? Ou bien t'es-tu comporté avec jalousie? As-tu été épris du même amour que Julaybib radiallahu anhu avait pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit radiallahu ta'ala anhu, qui ose faire la guerre à mon prophète? Qui ose faire la guerre à mon prophète? Lorsqu'il était en train de charger les rangs de l'ennemi. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourra-t-il dire de toi, cet homme ou cette femme fait partie de moi, et moi je fais partie d'elle? On actifie ala al-qadr. Sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. مضى وعاد في كفن ما قال حين زغردت خطاه خلف الباب لأمه الوداع ما قال حين زغردت خطاه خلف الباب لزوجه الوداع الوداع الوداع, الوداع